Le pantalon de Madame Desnoux, roman de Henri Beauclerc, lecture par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org.